J'ai pas changé combat du 7. J'ai pas retourné ma veste. Je collectionne les billets de 500. Bête mon joint dans l'hélico sur la concu. Je laisse mes sons. La vie ne fait pas le moine en survêt, mais je fais rentrer comme un homme d'affaires. Maintenant c'est moi l'aîné chez moi. J'ai fini de régler toutes les dettes de ma mère. Ça se mille ici, 4-5 boîtes par là. Sur WhatsApp au bigo avec un gros 6. Ça détaille ici, ça pique un par là. Et connaît les coins des deux partout, ça crie. Et ça depuis tout petit que de spi. La vie c'est pas le plus rapide, mais le plus endurant qui survit. Comme j'ai augmenté le niveau, je me défonce dans l'hélico. J'ai entendu dire à la radio que combat c'est quelqu'un. J'suis dans le R44 sa mère. J'suis dans le R44 sa mère. Et nique sa mère le jeu de paix. Mon chef de projet m'a dit que je streamais. J'suis dans le R44 sa mère. J'suis dans le R44 sa mère. Et regarde la montre que j'ai, c'est la sous-marine qui va dans la mer. J'suis plus dans le mec. J'suis plus dans le mec. Et je vois la ville en hélicoptère. Je vois la ville en hélicoptère. Le pied de ma mère. Je suis plus dans le mec. Je suis plus dans le mec. Je reste plus de mec. Et je vois la ville en hélicoptère. Et le monde est haut, c'est pas mon trappère. Non, c'est mort. Je vais vous dire la vérité. La rue n'est pas aussi simple qu'apparaît. Y'a des gros bâtards, des fils de pute, des mecs tu pousses, que t'as refait, t'as habillé, que t'as logé, que t'as nourri, qui te répondent plus. Y'a les pénuries, des sans surprises, 48 heures ou 72 heures. Les gros jaloux, les moins que rien. Les grands KO ou les comédiens. Les armes de guerre, les armes de poing. Les mères qui pleurent, les guerres de terrain. Les chasses le jour, perquises aussi. C'est dur mais pas grave, on fait. J'ai pas quitté mon bendo, je disais mais tiens du 7ème bâtiment. La vente de drogue contribue à nourrir ma famille, c'est notre quoi. On mange, elle veut que j'arrête, mais je peux pas. Même si je voudrais, bah je pourrais pas. Comment refuser une passe? Ah, comment tu peux refuser d'espèce? J'suis dans le R44 sa mère. J'suis dans le R44 sa mère. Et nique sa mère le jeu de paix. Mon chef de projet m'a dit que je streamais. J'suis dans le R44 sa mère. J'suis dans le R44 sa mère. Et regarde la montre que j'ai, c'est la sous-marine qui va dans la mer. J'suis plus dans le mec. J'suis plus dans le mec. Et je vois la ville en hélicoptère. Je vois la ville en hélicoptère. Je suis plus dans le mec. Je suis plus dans le mec. Je reste fumé. Et je vois la ville en hélicoptère.